La Bible David Martin 1855. Le Saint-Évangile selon Saint-Luc. Luc chapitre 1. Parce que plusieurs se sont appliqués à mettre par ordre, un récit des choses qui ont été pleinement certifiées entre nous. Comme nous les ont donné à connaître ceux qui les ont vus, eux-mêmes dès le commencement et qui ont été les ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir examiné exactement toutes choses depuis le commencement jusqu'à la fin, très excellent Théophile, de t'en écrire par ordre, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été informé. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur, nommé Zacharie, du rang d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements, et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Et ils n'avaient point d'enfants, à cause qu'Élisabeth était stérile, et qu'ils étaient l'un et l'autre fort avancés en âge. Or il arriva que, comme Zacharie exerçait la sacrificature devant le Seigneur, à son tour, selon la coutume d'exercer la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum, et d'entrer pour cet effet dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple était dehors, en prière, alors qu'on offrait le parfum. Et l'ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie fut troublé quand il le vit, et il fut saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée, et Élisabeth, ta femme, enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et tu en auras une grande joie, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni cervoise, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Car il ira devant lui, animé de l'Esprit et de la vertu d'Élie, afin qu'il ramène les cœurs des pères dans les enfants, et les rebelles à la prudence des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment connaîtrai-je cela, car je suis vieux, et ma femme est fort âgée ?» Et l'ange répondant, lui dit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et qui ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu seras sans parler, et tu ne pourras point parler jusqu'au jour que ces choses arriveront, parce que tu n'as point cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Or le peuple attendait Zacharie, et on s'étonnait de ce qu'il tardait tant dans le temple. Mais quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler, et ils connurent qu'il avait vu quelques visions dans le temple, car il le leur donnait à entendre par des signes, et il demeura muet. Et il arriva que, quand les jours de son ministère furent achevés, il retourna en sa maison. Et après ces jours-là, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se cacha l'espace de 5 mois, en disant, « Certes, le Seigneur en a agi avec moi ainsi au jour qu'il m'a regardé, pour ôter mon opprobre d'entre les hommes. » Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge, fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit, « Je te salue, ô toi qui es reçue en grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Et quand elle l'eut vu, elle fut fort troublée à cause de ses paroles, et elle considérait en elle-même quelle était cette salutation. Et l'ange lui dit, « Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras en ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et il n'y aura point de fin à son règne. » Alors Marie dit à l'ange, « Comment arrivera ceci, vu que je ne connais point d'homme ?» Et l'ange répondant, lui dit, « Le Saint-Esprit surviendra en toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi ce qui naîtra de toi saint, sera appelé le Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta cousine, a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et c'est ici le 6e mois de la grossesse de celle qui était appelée stérile. Car rien ne sera impossible à Dieu. » Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se retira d'avec elle. Or, en ces jours-là Marie se leva, et s'en allant au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Et il arriva qu'aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit enfant tressaillit en son ventre, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Et elle s'écria à haute voix, et dit, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie en mon ventre. Or bienheureuse est celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites par le Seigneur, auront leur accomplissement. » Alors Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est égayé en Dieu, qui est mon Sauveur. Car il a regardé la bassesse de sa servante, voici, certes désormais tous les âges me diront bienheureuse. Car le Puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint. Et sa miséricorde est de génération en génération, en faveur de ceux qui le craignent. Il a puissamment opéré par son bras, il a dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Il a renversé de dessus leur trône les puissants, et il a élevé les petits. Il a rempli de bien ceux qui avaient faim, il a renvoyé les riches vides. Il a pris en sa protection Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il en a parlé à nos pères, savoir, à Abraham et à sa postérité, à jamais. » Et Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna en sa maison. Or le terme d'Élisabeth fut accompli pour accoucher, et elle mit au monde un fils. Et ses voisins et ses parents ayant appris, que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde envers elle, s'en réjouissaient avec elle. Et il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole, et dit, « Non, mais il sera nommé Jean. » Et ils lui dirent, « Il n'y a personne en ta parenté qui soit appelé de ce nom. » Alors ils firent signe à son père, qu'il déclara comment il voulait qu'il fût nommé. Et Zacharie ayant demandé des tablettes, écrivit, « Jean est son nom. » Et tous en furent étonnés. Et à l'instant sa bouche fut ouverte, et sa langue déliée, tellement qu'il parlait en louant Dieu. Et tous ses voisins en furent saisis de crainte, et toutes ces choses furent divulguées dans tout le pays des montagnes de Judée. Et tous ceux qui les entendirent, les mirent en leur cœur, disant, « Que sera-ce de ce petit enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, et de ce qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps, que nous serions sauvés de la main de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères, et pour avoir mémoire de sa sainte alliance, qui est le serment qu'il a fait à Abraham, notre père, savoir, qu'il nous accorderait, qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte, en sainteté et en justice devant lui, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, et pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, desquelles l'Orient d'en haut nous a visités, afin de reluire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. » Et le petit enfant croissait, et se fortifiait en esprit, et il fut dans les déserts jusqu'au jour, qu'il devait être manifesté à Israël.